suis un peu crevé. Blouse me tend les bras. J'allume pas la télé, je pense à toi. À tes yeux dans ma loose, me demandant pourquoi les femmes sont jalouses et les hommes s'endorment. Et le sang de mes veines ne pourrait se tarir quand, venu de lointaine, tu éclates de rire. Viens contre ma chanson, arrête tes prières et rugis face au lion aux côtés de ton frère. Les mains dans la pagaille, mélangeons nos mystères dans son vaille que vaille. Sur la mer si légère entre deux ouragans, flottons heureux et fiers d'être toujours vivants. Le blues me tend les bras. J'allume pas la télé, je pense à toi. À tes yeux dans la loose, me demandant pourquoi les femmes sont jalouses et les hommes sont là. Les yeux d'Andalouse, me demandant pourquoi les femmes sont jalouses et les hommes sont dames.